suis déboussolé. J'suis perdu, ma vie c'est un film. J'perds le nord, là j'suis ailleurs. Trop fin de monnaie, tous les petits bambolés. C'est chacun sa mère, je confirme. Même tes potos d'enfance te souhaitent le mal. Là j'ai plus les mots, ils veulent me voir reculer. Moi j'passe mon temps à les killer. Ils aimeront me voir à terre, ils sont fous. Je raconte c'est réel, tonton passé chez qui les faux, soi-disant t'es grillé. Que tu mens mais tu me rends fou. Je suis tout seul. Je suis au quartier, je finis tout seul. Et je plane, et je plane, et je plane. Comme un oiseau dans le ciel. Je suis comme un autre, moi mademoiselle. Les gens rêvent de couper mes ailes. Je suis pas le seul à vouloir te raconter ma vie. Je suis pas le seul gros à être contre ton avis. Je suis pas tes potes, moi je tue pas pour un billet. Si t'es pas des notes, c'est vite qu'on va t'oublier. J'ai fait des sous mais change pas ma manière de m'habiller. J'ai fait le fou sur pépé, ça a voulu me quiller. J'ai fait le sourd, j'ai pas calculé quand ça a crié. J'ai regretté, pour que ça s'arrange, ben j'ai prié. Je suis tout seul. Je suis au quartier, je finis tout seul. Et je plane, et je plane, et je plane. Comme un oiseau dans le ciel. Je suis comme un autre, moi mademoiselle. Les gens rêvent de couper mes ailes. Je suis tout seul. Je suis au quartier, je finis tout seul. Et je plane, et je plane, et je plane. Comme un oiseau dans le ciel. Je suis comme un autre, moi mademoiselle. Les gens rêvent de couper mes ailes.